Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 66. Caractère de l'homme qui craint Dieu. L'homme religieux se distingue par trois caractères. Il n'a point de société avec le réprouvé, et comment pourrait-il y avoir entre eux aucune relation? Ô toi qui fais profession de piété, évite toute société avec le méchant, de peur qu'il ne t'entraîne dans le crime. À peine la langue de l'homme qui craint Dieu, profère-t-elle le nom du mensonge, il se tient éloigné de la voie des menteurs. Il use avec modération des choses pures et licites, pour ne point se laisser aller à l'usage de celles qui sont défendues. Les Arabes disent en proverbe, l'homme qui craint Dieu a un frein. En effet, la crainte de Dieu est comme un frein qui empêche l'homme de s'éloigner, dans ses paroles et ses actions, de ce qui est conforme à la vérité et à la loi de Dieu. Mais Dany attribue l'origine de ce proverbe au calife Omar, fils d'Abd al-Aziz. On lit dans l'anthologie de Zamakhshari, cette sentence, les hommes qui craignent Dieu auront en partage des ombrages frais et reposeront sur des lits voluptueux, les pécheurs sont dans l'égarement, et un jour ils seront dans des flammes ardentes. Anthologie des sentences arabes page 20. La seconde partie de cette sentence est prise du Coran, 54-46. Chapitre 67. Caractère des élus. Trois caractères assurent la jouissance du bonheur éternel à celui en qui il se trouve réuni. La reconnaissance des bienfaits reçus et la patience dans les épreuves sont du nombre de ces caractères, ces deux qualités rendent éclatant le miroir de l'âme. Celui-là encore sera préservé du feu de l'enfer par le Tout-Puissant, qui est attentif à demander le pardon de ses fautes, quiconque craint son Dieu, ne néglige point de solliciter de sa bonté le pardon dont il a besoin. Comment le pécheur qui accumule crime sur crime, pourrait-il participer à la miséricorde du Seigneur? Mon fils, ne cesse pas un instant d'implorer la clémence de l'Éternel, et n'aie rien de commun avec les méchants et les pécheurs, confère Chrestomathie Persane de Monsieur Wilken. Saadi, dans le 8e livre du Boustan, insiste fortement sur la nécessité de faire pénitence avant que la mort vienne terminer nos jours. On y trouve, entre autres, les vers suivants, le chat fait des ordures dans un lieu propre, comme cela lui fait horreur, il les recouvre de poussière. Toi donc, ô homme, es-tu exempt de défauts, ou ne crains-tu pas qu'il soit aperçu? Représente-toi un esclave chargé de fautes qui se dérobe pour quelque temps, par la fuite, à la présence de son maître. S'il revient de lui-même avec un cœur sincère et une humble prière, on ne le ramènera pas enchaîné dans les fers. Si tu veux satisfaire ton humeur chagrine, et disputer, que ce soit avec un homme contre lequel tu espères trouver du secours, ou que tu puisses éviter par la fuite. C'est aujourd'hui qu'il faut faire avec toi-même le compte de tes œuvres, et non pas au jour où le registre de tes actions sera ouvert devant toi. Si l'homme a commis le mal, mais qu'il ait fait réflexion sur lui-même avant le jour de la résurrection, c'est comme s'il ne s'était pas rendu coupable de péché. Si tes soupirs ternissent le miroir où tu te regardes, ces soupirs même rendront l'éclat au miroir de ton cœur. Tremble aujourd'hui au souvenir de tes fautes, afin qu'au jour de la résurrection tu ne craignes personne. Chapitre 68. De l'aumône. Si tu fais quelque aumône, que ce soit ta main elle-même qui la distribue, que tes bienfaits soient comme un legs consacré à la subsistance du pauvre. Il y a plus de mérite à donner une drachme de sa propre main, qu'à en laisser 100 après sa mort. Quand tu ne donnerais qu'une dette fraîchement cueillie, cette aumône serait plus méritoire qu'un legs de 100 pièces d'or. Ne reprends jamais ce que tu as une fois donné, quand même tu serais accablé par l'excès de la faim et de la misère, ce serait la même chose que si un homme, après avoir vomi, retournait à son vomissement. Si un père a donné quelque chose à son fils, est-il convenable qu'il le lui reprenne? Mon fils, ne mets point ta joie dans l'or et les richesses, ne parle à qui que ce soit des aumônes que tu as faites. Tous les biens de ce monde sans exception ne seront que des sujets d'affliction, ces noces se changeront en deuil. Écoute le monde qui te crie, ne te laisse point aller à la joie, Coran 28, 76. Ce monde n'est pas le séjour de la joie, comprends bien cette vérité. Dieu n'aime point ceux qui se livrent à la joie, c'est une maxime que j'ai apprise des sages dont j'ai reçu les leçons. Si les grâces du Seigneur sont le sujet de ta joie, elle est juste et légitime, chercher sa joie dans les biens du siècle, c'est un péché. Mon fils, fais-toi une habitude de supporter les chagrins et les afflictions, tourne ton cœur vers celui qui ne désire rien tant que de le posséder. C'est-à-dire, vers ton Créateur. Je rapporterai ici deux odes de Saadi, sur l'amour divin, le lecteur pourra les comparer avec celles de Hafiz, qui sont plus connues. Semblable aux papillons, je ne saurais t'oublier un instant pour m'occuper de mes propres intérêts, car je brûle, et je continue encore à voler. Si tu peux te décider à chercher mon cœur, à toi de le faire dès aujourd'hui, autrement tu auras beau le chercher, tu ne me retrouveras plus. Mon amour n'est pas tel qu'un regard puisse le rassasier. Toutes les eaux du Dioun ne sauraient apaiser la soif brûlante de mes désirs. Semblable aux luttes, j'incline devant toi la tête de la soumission et de la bonne volonté, frappe-moi et châtie-moi comme il te plaira, je ne refuse aucun de tes coups. Quand il te plairait de me jeter 100 fois dans le brasier et de m'en retirer 100 fois, je n'en ressortirai pas converti en or. Après être fondu, je me retrouverai encore le même. Ton bon plaisir est-il de me frapper à coups de pierre? Je ne me rendrai pas coupable de la moindre résistance. Je ne saurais t'offrir aucun hommage digne de toi, que puis-je faire? Ma tête n'est pas d'un assez grand prix pour que je la jette à tes pieds. Je ne suis, je l'avoue, qu'un débauché, livré au libertinage, et ivre d'un fol amour, que pourrait dire de plus de moi le censeur le plus malveillant? J'ai exposé au médecin la situation de mon cœur et la folie de ses emportements, les soucis, lui ai-je dit, ne permettent pas à mes yeux de se clore un seul instant de la nuit. Saadi, m'a-t-il répondu, le mal que tu éprouves est l'amour, ce sont des douleurs pour lesquelles je ne possède aucun remède. Ode 2. Éclair, si tu passes à l'angle de ce toit, tu porteras de mes nouvelles en un lieu où le zéphyr ne saurait pénétrer. Oiseau, si ton vol te porte vers le quartier qu'habite l'objet de mon culte, tu porteras un message amical à cette aimable fée. Si par hasard cet objet si beau, doué de tous les charmes de l'astre de Jupiter, te demande de nos nouvelles, dis-lui, ils sont prêts à acheter tes faveurs au prix de leur vie, errant dans le désert et haletant de soif, leur âme est prête à s'échapper de leurs lèvres, toi, où te tiens-tu nonchalamment couché, et livré à un paisible sommeil. Ô astre de la nuit, toujours absent et toujours présent, toi dont l'image chaque jour s'offre 100 fois à nos cœurs, sais-tu quel serait notre sort, Si tu venais toi-même nous visiter et jeter sur nous tes regards. Hélas, où tu nous accorderais ton cœur, comme déjà tu possèdes le nôtre, où tu arracherais de nos cœurs l'amour qui les consume pour toi. Puisque tu deviens la cause de notre déshonneur, alors même que tu te dérobes à nos yeux, ah, que ne dirait-on pas de nous, si tu levais pour nous les voiles qui te cachent? Qui es-tu, Saadi, pour parler ici d'amour? Contente-toi d'aspirer au titre d'esclave, et de t'avouer un humble serviteur. Je ne traduis qu'en hésitant l'avant-dernier distique de cette ode. Le sens de ce distique me paraît peu certain. Je dois faire observer que le poète joue sur le double sens du mot qui signifie la planète de Jupiter, et acheteur. Je rapporterai ici quelques vers arabes d'un grand sens, qui n'ont point, je crois, été publiés. Je ne sais d'où je les ai tirés. Nous nous sommes livrés au rire et à la joie, et les rires étaient pour nous une folie, car les pleurs sont ce qui convient aux habitants de la terre. Les jours se succédant, nous ont brisés comme si nous étions du verre, mais hélas, on ne nous remettra pas à la fonte. Chapitre 69. Avis sur divers sujets. La crainte et la tristesse sont la nourriture des serviteurs de Dieu, l'affliction est la compagne de ceux qui cherchent les joies véritables. Celui dont le cœur n'est agité d'aucune pensée affligeante, sera frappé, à la fin, d'une hache tranchante qui lui tombera sur le pied. C'est-à-dire, l'affliction surprendra le mortel qui vit dans une indolente sécurité. Souviens-toi, mon cher fils, de quoi a été formée ta substance, il n'est aucun homme, mon fils, non, il n'en est aucun qui n'ait quelque sujet d'affliction. L'Éternel t'a tiré du néant et t'a donné l'être, afin que tu fusses l'adorateur de sa divinité. Tant que tu vivras, rends-lui le culte qui lui est dû, que la modestie, la libéralité et la bienfaisance soient ton exercice continuel. Ne consume pas tes jours dans le sommeil et les plaisirs de la table, que le souvenir du Seigneur fasse l'occupation de ta vie, le matin et le soir. Ne te livre point au sommeil, quand le jour a commencé à luire, n'accoutume point ton âme à s'abandonner au plaisir de la bouche. Il n'est pas bon de dormir aussitôt que le jour se retire, c'est une prévarication de se livrer au sommeil avant les ténèbres. Le sage regarde comme un crime de s'abandonner au sommeil dans le temps qui sépare la clarté du jour, de l'obscurité des ombres de la nuit. Mon fils, ne voyage jamais seul, car voyager seul, c'est s'exposer au danger. Se frapper de la main sur le visage, c'est une chose qui porte malheur, écoute les avis des sages. Se regarder dans un miroir pendant la nuit, c'est un péché, il est permis de se mirer pendant le jour. Si tu habites une demeure obscure et isolée, tu as besoin d'un compagnon qui demeure avec toi. N'appuie point ton menton sur ta main, aux yeux des gens sensés, cette mollesse est froide et insipide comme de la glace. Si tu rencontres une troupe de bêtes de charge qui marchent à la file, ne va pas te mettre au milieu d'elles. Veux-tu mériter les faveurs du Très-Haut, et augmenter en mérite devant lui, consacre les jours et les nuits à la prière. Si tu désires jouir d'une longue vie, fais le bien, et fais-le dans le secret. Pour que ta fortune n'éprouve point de revers, aie soin de ne rien faire de contraire à la loi de Dieu. Le Seigneur prive d'une partie de ses dons celui qui se laisse aller au crime et à la révolte contre lui. Le mensonge est encore une source d'adversité, les discours du menteur sont dépourvus de grâce et d'agrément. Quiconque a contracté l'habitude de jurer en disant la vérité, sera, tant qu'il vivra, dans la pauvreté et l'indigence, mais si ses serments sont des parjures, il servira un jour d'aliment au feu de l'enfer. L'excès du sommeil attire la pauvreté, abrège ton sommeil, mon fils, et sois prompt éveillé. Celui qui dort nu pendant la nuit, se prive lui-même d'une partie des biens qui lui étaient destinés, c'est encore une source de malheur, que de satisfaire aux besoins de la nature, sans se couvrir de ses vêtements. La vieillesse aussi traîne à sa suite toutes sortes d'afflictions. Il n'est pas bon de prendre sa nourriture sans s'être purifié de ses souillures, cette conduite sera désapprouvée de tous les hommes. Si tu veux mériter les bienfaits de Dieu, ne jette point de miettes de pain, et ne les foule pas aux pieds, ne balaie point ta maison pendant la nuit, ne laisse pas non plus les balayures sous ta porte. Si tu appelles ton père ou ta mère par leur nom propre, tu n'auras aucune part ou grâce du Très-Haut. Si tu te sers indifféremment de tout morceau de bois pour nettoyer tes dents, tu attireras sur toi l'indigence, et tu tomberas dans l'affliction. Ne nettoie jamais tes mains avec de la terre ou de la poussière, lave-les toujours avec de l'eau. Mon fils, ne demeure pas assis sur le seuil de ta porte, cette conduite diminuerait ta fortune. Si tu fais tes ablutions dans les latrines, tu abrégeras tes jours. Ne t'appuie pas sur le jambage de la porte, garde-toi de contracter cette habitude. Il ne convient pas de raccommoder le vêtement que l'on a sur soi, il faut apprendre des hommes les lois de la politesse. Si tu essuies ton visage avec le pan de ta robe, tu te frotteras toi-même et tu diminueras ta subsistance. Va au marché le plus tard que tu pourras, et reviens-en promptement, car le temps que tu emploies à y aller, est un temps perdu. Il n'est pas bon d'éteindre la lampe avec son haleine, garde-toi de respirer la fumée de la lampe. N'emploie pas pour peigner ta barbe le même peigne dont d'autres se servent, il vaut mieux en avoir un qui ne serve qu'à ton usage. N'achète point des mendiants des morceaux de pain, car cela pourrait faire tomber sur toi la pauvreté. Ôte de ta demeure les toiles d'araignée, si elles y restaient, cela diminuerait les biens destinés à te nourrir. Ne fais point une dépense sans mesure. Lorsque ta barbe est sèche, ne l'humecte point de nouveau. Si tu as le moyen de pourvoir à tes besoins, ne te refuse point le nécessaire. Si tu es un coursier agile, ne boite pas dans le chemin. Les moralistes musulmans veulent que l'homme rapporte à Dieu tout le bien qu'il fait, et lui en rende gloire. Saad y inculque fortement cette obligation dans le passage suivant du Boustan. Lorsque tu mets le visage sur la terre pour rendre à Dieu tes hommages, offre-lui un tribut de gloire, mais ne reporte point tes regards sur toi-même. Ce qui convient à un mendiant, c'est de prier, d'offrir des louanges, de se tenir en la présence de celui de qui il attend l'assistance. Il ne lui appartient point de s'élever d'orgueil. Je veux bien admettre que c'est toi qui as offert à Dieu l'hommage de ton obéissance, mais, dis-moi, ne vis-tu pas tous les jours des biens dont il t'a accordé la jouissance? C'est lui qui a mis d'abord la bonne volonté dans le cœur, avant que son serviteur posât la tête sur le seuil. S'il n'accordait pas son assistance pour faire le bien, quel est l'homme qui pourrait exercer la bienfaisance envers un autre? Si la langue confesse la vérité, pourquoi lui en attribuer le mérite? Vois quel est celui de qui elle a reçu la faculté de parler. La porte de la connaissance, c'est l'œil de l'homme qui est ouvert au spectacle du ciel et de la terre. Comment distinguerais-tu le haut et le bas? Si la main de Dieu n'avait point ouvert cette porte qui orne ton visage, sa toute puissance a tiré du néant et le visage et la main, elle a donné à l'un la faculté de se prosterner devant lui, à l'autre celle de s'ouvrir pour répandre des bienfaits. Sans ce don de sa divinité, la main exercerait-elle la libéralité? La tête se prosternerait-elle sur la poussière? Sa sagesse a créé la langue et l'oreille pour être comme les clés du trésor du cœur. Si la langue ne lui servait d'interprète, comment le cœur communiquerait-il ses secrets? Et sans l'espionnage assidu de l'oreille, comment le roi de l'intelligence serait-il instruit de ce qui se passe dans son empire? C'est de lui que nous tenons, moi la parole par laquelle je t'adresse des avis utiles, toi l'oreille par qui tu reçois l'instruction. Ces deux organes sont sans cesse en fonction, comme des huissiers placés à la garde de la porte, et chargés de transmettre les messages du sultan au sultan lui-même. Pourquoi te sais-tu gré d'avoir fait une bonne œuvre? N'envisage que celui de qui tu en as reçu le pouvoir. Le jardinier ne va-t-il pas offrir au roi les fruits qu'il cueille dans le jardin même de sa majesté? Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.